chagrin dans la bouteille. Une prose de plus en espérant que tu m'entends de là où t'es. Paix à ton âme, Freddy, que Dieu te garde. Mon pote, j'ai oublié de te dire, je t'aimais grave. La mort a le sourire qui fâche. Elle a retiré son masque un soir de novembre. Seulement on me l'avait prédit. Du mal à accepter le décès de Freddy. Toutes mes condoléances, ça, on me l'a pas assez dit. Autant qu'à l'homme, respect au personnage. Aujourd'hui te rendre hommage me fait trop mal. Comme voir ton nom gravé sur une pierre tombale. Dépose ses bronzes en guise de crise d'antenne, mais continue le combat. J'ai ce flot d'inébé, une tristesse qui m'abîme. Une plume à l'encrier, y'a ce mal qui me laisse infirme. Il y a cette forme et cette larme qui se brise. Il y a cet homme et ces souvenirs qui me crispent. J'ai ton sourire et ton regard qui me reste. Il y a cette plaie, ton silence qui en atteste. Je lève la tête et y'a ces mots qui viennent du cœur. Freddy K, un merci dans ma douleur.